Elle croit que j'ai les mains sales, que je me comporte comme un salaud. C'est vrai, des fois tu me saoules, mais je te laisserai jamais solo. Dans mon top 10, tu ne rentres pas. Si je la trouve belle, c'est qu'elle se la raconte pas. On passe les nuits au fin d'elle, à fond dans. Ma belle, elle n'a pas besoin de fond de teint. Elle dira, viens danser avec moi. Danser avec moi. Elle dira, viens danser avec moi. Viens danser. Ma belle, regarde-moi dans les yeux. Tout ce qui te fait plaisir, on l'aura. J'ai fait mes levées sur le terrain. Elvira, je t'emmène dans les yeux. T'en veux plus. Adieu mon